La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous, on aime quand ça va vite, et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça, j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger. C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 27 avril, la fibre de SFR est à seulement 15 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le bras levé de Maurice Piala au Festival de Cannes. Nous sommes le 20 mai 1987. C'est la cérémonie de remise des trophées, le bouquet final du festival. Il y a là le banc et l'arrière-banc du cinéma mondial, un ministre, des chanteurs, une montagne de médias. Cannes est le plus grand barnum du cinéma au monde, la cérémonie de clôture, son apothéose. Pour cette édition 87, c'est Yves Montand qui préside le jury très à l'aise dans son smoking et dans son rôle de Monsieur Loyal. Il annonce que la Palme d'Or est décernée à Maurice Piala pour son film « Sous le soleil de Satan ». Alors le lauréat se lève, marche tranquillement, rejoint Catherine Deneuve, Carole Bouquet et Christophe Lambert qui l'attendent sur scène. Quelques sifflets se font entendre, très peu en fait, une dizaine peut-être. Piala n'entend pas les applaudissements, il focalise sur les siffleurs et s'adresse à eux avec brutalité, sous le regard inquiet de Carole Bouquet, le rire crispé de Catherine Deneuve et le rire tout court de Christophe Lambert, avant de lever le poing de la victoire, dans un geste un peu ambigu que certains prendront ou feindront de prendre pour un bras d'honneur. Mais quelle mouche a donc piqué Maurice Piala ce soir-là? Pourquoi ces paroles tranchantes dans un lieu où l'on s'efforce traditionnellement de faire croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil? Parce qu'il n'aime pas ce monde, précisément? Quelles sont les raisons profondes de ce comportement? C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Nous en parlerons également avec notre invitée Sylvie Piala, l'épouse du cinéaste, mort il y a 11 ans. Eva Bétan, critique cinéma à France Inter, est également avec nous. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Marie-Louise Beau, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Jérôme Chélius et Coy Nguyen, à la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet, Anthony Thomasson. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Eh bien, la Palme d'Or à l'unanimité, à Maurice Piala pour Sous le soleil de Satan. Qu'est-ce qu'il fout de me faire chier? J'aime pas le cinéma. C'est-à-dire, et pour être exact, j'aime pas les gens qui font du cinéma. Et si vous ne m'aimez pas... Et oui, on retiendra longtemps cette image du 40e festival de Cannes. Ambiance, vous l'avez vu, plutôt houleuse. On va pas faire ce cinéma là pendant 10 ans, non? Moi, je crois que tous ceux-là, ils auraient voulu que je crève. Alors là, je serais devenu un dieu vivant. Les gens qu'on aime beaucoup, on voudrait toujours qu'ils soient morts. Et si vous ne m'aimez pas... Je passe pour... On a pas mal. À juste titre, malheureusement, pour quelqu'un qui a plutôt tendance à démolir ce qui fait d'un éternel insatisfait. Je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Qu'est-ce qu'il fout de me faire chier? Je ne vous aime pas non plus. Si vous ne m'aimez pas non plus. Cette colère homérique aussi intempestive qu'inattendue de Maurice Piala lors de l'attribution de la Palme d'Or à Cannes en 1987 jette un pavé dans la mare du petit univers cannois et de l'entre-soi des professionnels du grand écran. Empêcheur de danser en rond dans ce bal mondain, ours mal léché, revendiqué, Piala est une sorte de marginal de sa profession. Son œuvre, riche, exigeante et éclectique, le place hors des sentiers battus et en fait un personnage romanesque qui disait de lui-même « Dès le début, j'ai eu des problèmes, comme si j'étais devant un mur, comme s'il y avait un rejet. Il faudra que ça arrive un jour, calmement, sans amertume, comme un constat, comme un rapport de gendarme, je le dirai. Mais c'est quand les choses vont mal que je suis le mieux. Bon, de là à dire qu'il faut que ça aille mal pour que je me retrouve et que je fais exprès de foutre la merde. » Aujourd'hui, vous me donnez l'occasion de parler, je serai très bref, je vous réponds. Je ne vais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si vous ne m'aimez aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Chaque année à la même période, Cannes se métamorphose en succursale d'Hollywood avec ses ballets de limousines, ses défilés de vedettes dont on voit tout le soin qu'elles apportent à leur tenue vestimentaire pour le grand soir. Cannes et ses salles de projection bruissantes de critiques et de potentiels clients, producteurs, distributeurs. Cannes et ses palaces illuminés, ses badauds se pressant pour apercevoir la star du moment. Avec l'indispensable escabeau, ils peuvent passer toute une journée à attendre pour capter la réalité la plus furtive qui soit, le défilé des stars. Comme les hirondelles, chaque année à la même époque, les réalisateurs viennent présenter leur dernier chef-d'œuvre en espérant la reconnaissance internationale, le couronnement de mois, voire d'années de travail. Travail qui va être disséqué, examiné, encensé ou éreinté par les papes de la critique. Au fil des ans, le festival est devenu une institution dont les journalistes sont législateurs, décidant de la qualité de films que parfois, ils n'ont même pas visionné dans leur intégralité. En tout cas, c'est ce qu'affirme Gérard Lefort au Masque et la Plume. Il faut savoir une chose, c'est que dans l'avalanche des émissions qui sont consacrées au cinéma et à la télévision, il y a une pratique qui s'appelle la pratique des extraits de films. C'est-à-dire qu'on demande à un producteur, à un attaché de presse, très rarement au réalisateur, de fournir des morceaux de films pour illustrer les émissions. Il faut savoir que la plupart des animateurs de télévision, de radio, ne voient pas les films dont ils parlent, et que ces extraits, maintenant, ils les appellent des bouts. Il dit, est-ce que tu as un bout de Taviani? Est-ce que tu as un bout de Fellini? Je crois que cette politique des bouts, c'est marrant raconter comme ça. Je crois que fondamentalement, c'est pas très gai. Si encore on passait des bouts différents à toutes les émissions de télévision, on arriverait à voir le film entièrement sans sortir de chez soi. Eva Bettan nous dira certainement tout à l'heure, heureusement que tous les journalistes ne fonctionnent pas comme ça. En tout cas, on comprend mieux l'exaspération de Pialla qui n'ignore rien de ses pratiques. D'autant que le film qu'il présente cette année-là, inspiré du roman de Bernanos, Sous le soleil de Satan, est une œuvre grave, profonde, une sorte de méditation sur le mal et la grâce. Un sujet périlleux, casse-gueule pour parler simple. Bientôt je ne pourrai plus rien pour vous. Ne dites pas ça. Je me souviendrai de vous même dans les bras de Satan. Depuis plus de 60 ans, le Festival de Cannes fait la pluie et le beau temps. Surtout la pluie, une tendance fâcheuse qui se confirme au fil des ans. Cannes, c'est aussi la Mecque des médias qui adoube d'illustres inconnus comme François Ozon ou encore González Alejandro Iñárritu et qui, avec autant d'enthousiasme, exécute des monstres sacrés. Et puis quelquefois, il y a des scandales comme cette année Welcome to New York, le film d'Abel Ferrara, un biopic sur DSK ou encore La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche. Pas inutile pour attirer l'attention et faire de Cannes le happening préféré des professionnels de la profession. Parmi les cinéastes, il en est un qui s'est déjà fait une idée précise de la faune festivalière et qui le dit sans embâge, c'est Maurice Pialla. On avait envisagé tous les cas de figure pour ce film. On se doute bien, on vient dans une compétition. D'abord, on vient dans une compétition, on n'aime pas forcément la compétition. Puis on se dit, mais en plus, un film, surtout comme celui-là, en a besoin pour sa carrière, parce que ça peut changer du tout au tout, c'est-à-dire ça peut multiplier ses entrées par deux. En fait, c'est pour ça que je suis là. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas être entraîné sur le terrain des imbéciles, et c'est ce qui est en train de se passer. On ne se bat pas contre des gens comme ça. Non, on ne peut rien dire, puisque par exemple, bon, il y aura une conférence de presse cet après-midi, je sais que toutes les questions, sans exception, moi je vais prendre un crayon et les noter. Toutes déviées, amenant ça sur un terrain sans intérêt. Mais ce n'est pas vrai que c'est un film difficile. C'est une façon de l'amener sur un terrain où la discussion n'est pas possible. Et où les médiocres ont gagné d'avance. Si vous ne m'aimez pas... On a dit que le Festival international du film à Cannes serait le prétexte d'une série de fêtes importantes. Est-ce bien exact, monsieur le ministre? Bien entendu, le festival, ne l'oubliez pas, durera du 1er au 20 septembre. Jean Zay, 1939. La Côte d'Azur est un cadre unique. Du reste, les préparatifs se poursuivent activement à Cannes. Nous espérons ainsi que le Festival international du film de Cannes sera un triomphe de l'organisation, de l'accueil et du goût français. C'est l'illustre Jean Zé, socialiste, résistant, mythique ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts au gouvernement du Front populaire, un héros authentique, qui a créé le Festival de Cannes parce qu'à la fin des années 30, dans la société intellectuelle française, des voix se sont élevées contre l'ingérence éhontée des gouvernements fascistes dans les manifestations culturelles des pays voisins. D'où l'idée d'un festival international de cinéma indépendant pour concurrencer la Mostra de Venise, inaugurée par le maréchal Goebbels, le bras droit d'Hitler. Le concept est soutenu par les Américains et les Britanniques qui s'engagent à faire venir des vedettes. On sort la grosse artillerie. Le festival est inauguré en septembre 1946 au casino de Cannes. Il a pour vocation de récompenser le meilleur film, le meilleur réalisateur ou le meilleur interprète au terme d'une compétition cinématographique internationale. Mais ce n'est vraiment qu'à partir des années 50 qu'il devient un événement mondial et le rendez-vous des plus grands cinéastes, Rossellini, Bergman, Kazan, Mankiewicz, venus y présenter leurs œuvres. C'est aussi le Festival de Cannes qui consacre la nouvelle vague des jeunes réalisateurs, Truffaut, Godard, René, avec Hiroshima, Mon Amour. Simultanément se déroule le premier marché du film qui organise les échanges commerciaux entre les différents partenaires de l'industrie, du cinéma, ce qui entraîne un glissement vers la marchandisation des films et vers un certain conformisme, forcément, c'est le danger. Cannes, c'est donc d'abord un énorme marché au chiffre d'affaires qui dépasse les 20 millions d'euros. C'est environ 1700 longs métrages visionnés pour une sélection de 18 films. C'est aussi 12 000 professionnels et 4 524 journalistes, oui c'est précis. On assiste à un accroissement pléthorique des professions liées à cette activité du cinéma. Paparazzi, critiques, journalistes, inévitable courroie de transmission pour la diffusion et le retentissement des œuvres sélectionnées. Certains d'entre eux, lucides, n'hésitent pas à fustiger ce qu'ils considèrent comme un dérapage. Cannes est à l'heure du sponsoring culturel. Il n'y a pas une soirée, il n'y a pas une chose qui ne soit pas sous l'égide d'un sponsor quelconque. Ils sont partout. Serge, les soirées, c'est pas grave. Non, non, mais tout. C'est pour manger. Tout. C'est donc pas grave que ce soit sponsorisé. Ce qui est grave, c'est que les émissions qui parlent de cinéma ne parlent pas de cinéma. Non, mais ça, c'est... On étouffe les films. C'est-à-dire qu'on, tout est prétexte à bavardage, sauf les films. On voit défiler des gens, chaque 30 secondes, qui disent des banalités à des questions banales de gens qui n'ont même pas vu le film et qui se tamponnent complètement, qui posent des questions sur un film qu'ils n'ont pas vu. Ce qui est nouveau à Cannes, c'est que cette année, il y a déjà un indice. Moi, je vous regarde, par Paul-Louis Sulitzer est à Cannes. Je vous parie que l'année prochaine, on aura Bernard Tapie et dans deux ans, Berlusconi, Maxwell, Bouygues, etc. Ils y sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au nom du mieux-disant culturel, on est en train de créer une espèce de vague marché. C'est vrai, mais ça, c'est le festival. Je veux dire, Cannes, c'est fou. Je déclare ouvert le festival de Cannes. Action. Vous pouvez respirer, cher Gilles, cher Thierry. Nous sommes là, prêts à en découdre. Sur la croisette, Nicole Croisy lance un grand rire de pacotille. Que de belles filles. 15 jours à Cannes, tout est possible. Dans les coulisses du festival, pénétré d'un vent de scandale. Le regard d'Élodie Boucher. La buanderie du Martinez, tu ne te sens pas très à l'aise. Tu viens juste de rencontrer David Lynch très mal coiffé. Le sable blanc et les palmiers, Catherine de Neuf, 30 ans passés depuis longtemps. Bidenaway en bikini avec ton meilleur ami. Où sont donc passés les starlettes qui sont ces salopes en goguette? Le malheur sur la Côte d'Azur, c'est que jamais rien ne dure. Au bras d'Isabelle Adjani, tu toises la foule et tu souris. Quelle belle démarche! Tu viens de monter les grandes marches. 15 jours à Cannes, tout est possible. Merci. Affaire sensible sur France Inter, aujourd'hui le coup d'éclat de Maurice Pialat au Festival de Cannes en 1987. Comment s'étonner des huées, des sifflets qui l'accueillent d'ailleurs lorsqu'il vient recevoir la Palme d'Or ? L'inverse serait suspect. Il n'a évidemment pas sa place dans ce grand bazar médiatique. Il n'a ni le fond ni la forme qui conviennent. À sa manière, Depardieu ne dit pas autre chose. C'est réel, c'est un accouchement très douloureux, très difficile. Pialat fait des films comme il peint. Comme un peintre, ça devient une espèce de monstre. C'est vrai, dans le monde policé du cinéma, Pialat fait figure d'ovni et, disons-le clairement, de gêneur. Mais qui est Maurice Pialat ? Il naît en Auvergne en 1925. Il a 2 ans et demi lorsque, ruiné, son père, marchand de bois et charbon, s'installe à Courbevoie avec sa famille. C'est là qu'il va grandir, dans une famille appauvrie, ce qui ne sera pas sans incidence sur sa vision du monde, donc sur son œuvre. Adolescent, il fréquente les salles obscures où il découvre Jean Renoir. C'est une révélation. Son œuvre portera l'empreinte naturaliste de cette première émotion esthétique. Mais c'est aux Beaux-Arts qu'il s'inscrit pour y suivre des cours d'architecture, puis de peinture. 3 ans plus tard, il met un terme à cet embryon de carrière. C'est un déchirement. D'ailleurs, il l'avoue. Je crois que quand j'ai arrêté de peindre, ça a été un choc terrible dans ma vie. Je suis resté 2 ans dans un état de léthargie complète. Et c'est là qu'a vraiment commencé la paresse. Parce qu'avant, il n'y avait que mon père pour me traiter de paresseux. Ce qu'il habite, c'est effectivement la peinture. Mais comme elle ne nourrit pas son homme, il faut bien trouver des revenus de complément. C'est ainsi qu'il exerce une série de métiers alimentaires, parmi lesquels visiteur médical, représentant de commerce pour machines à écrire, pour dentifrice, ce qui ne l'empêche pas de faire l'acteur. On le voit sur les planches dans Jules César en 1955. Assistant de Michel Vitold, il joue avec Maria Pacôme et Laurent Terzieff au Théâtre de la Renaissance. C'est peut-être à ce moment-là que le cinéma le prend dans sa toile, lorsqu'il achète une caméra et commence à tourner des courts-métrages. Il trouve des appuis aux côtés de Claude Berry, avec lequel il se lie. Les deux amis, on les dit même inséparables, ont des projets communs. L'un écrit, l'autre réalise, habité par la même vision du cinéma, spontanée, directe. L'aventure se termine après quelques expériences, plus ou moins satisfaisantes, non sans avoir abouti à une réussite patente pour Pialat, puisque c'est grâce à Berry et Truffaut, qui coproduit, qu'il remporte le prix Jean Vigo pour son long métrage « L'enfance nue », une fiction autour d'un enfant de l'assistance publique tourné avec des acteurs amateurs. Il a alors 43 ans. Entre-temps, en chantant à la chorale de sa paroisse, il a fait la connaissance d'une jeune fille qui sera son épouse 20 ans durant et qui restera sa collaboratrice ensuite. Les préoccupations spirituelles qu'échangent les deux prêtres du soleil de Satan remonteraient-elles à cette période ? Je me souviendrai de vous même dans les bras de Satan. Vous blasphémez, ce ne sont pas la même leçon. Je n'ai pas blasphémé. Ce n'est pas pour rien que le misérable état des hommes et la puissance de Satan m'ont été révélés. Vous avez commencé par des mortifications excessives. Vous vous êtes jeté dans le ministère avec autant d'excès. Vous étiez content de vous ? Vous auriez dû être en paix. Vous ne l'êtes pas. Dieu ne refuse jamais la paix. C'est vous qui la refusez délibérément. Alors comment chez Maurice Pialat la vie et l'œuvre se répondent-elles ? Comment l'œuvre lui permet-elle d'établir, une distance ? Ou sans doute cette apparente froideur ? Sur ce point, Pialat s'explique. Il y a dû y avoir une cassure dans ma vie. Avant j'étais tout le contraire de ça, une véritable fontaine. Après j'ai continué à m'apitoyer sur moi et à chialer pour des histoires en général de gonzesses parce que j'étais très malheureux. Et puis un jour est venu, c'était la froideur complète, apparente en tout cas. En effet, après le départ de sa seconde épouse rencontrée en 1960, il vit une longue dépression qu'il va soigner en tournant « Nous ne vieillirons pas ensemble » avec Jean-Yann et Marlène Jobert. Le film remporte un immense succès. Viennent ensuite à nos amours avec Sandrine Bonner qui le révèle au cinéma et qui lui vaudra le prix Louis de Luc et le César du meilleur film. Puis il y aura Loulou. Et Police, avec Sophie Marceau et Richard Anconina, et bien sûr, la pomme de discorde, le scandale du festival sous le soleil de Satan, avec ses comédiens fétiches, Sandrine Bonner et Gérard Depardieu, qui campent un abbé habité par la grâce. Mais cette vexation ne marque pas, loin s'en faut, la fin de sa carrière, de sa créativité. Avec Van Gogh, incarné par un Jacques Dutronc très inspiré, il retourne sur ses pas, retrouve l'univers de sa jeunesse et sa passion première, la peinture, qui ne l'a jamais quitté. Pour lui, qu'aucun film ne peut atteindre la perfection d'un tableau. Avec plus d'1 300 000 entrées, son film draine un public considérable et s'attire aussi la reconnaissance de la profession puisqu'il est cité 12 fois au César en 1987. Fidèle à lui-même, c'est un mode naturaliste qu'il adopte pour dépeindre Van Gogh au crépuscule de sa vie en but au thème favori de Piala, la rupture sociale, affective. Puis vient son 10e et dernier long métrage, Le Garçu, sorti en 1995, dont l'acteur principal est son propre fils, Antoine, qui dans le film a pour père cinématographique l'alter ego de Piala lui-même, un être invivable, troublé, maladroit. Et dans ce film, la mort rôde, présage, prémonition. C'est 8 ans plus tard qu'elle vient frapper à sa porte. Il a 77 ans lorsqu'il est emporté par une insuffisance rénale. Il laisse derrière lui une œuvre dense et singulière, scandée de thèmes récurrents, marquée d'un sentiment de vide et de solitude. L'homme aura impressionné autant que son œuvre. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Maurice Piala, Festival de Cannes 1987, notre invitée Sylvie Piala, l'épouse du cinéaste, Eva Bettan, critique cinéma France Inter, est également avec nous. Parole lapidaire, point de la victoire ou bras d'honneur, geste provocateur, tout Piala et tout entier dans cette réaction à Cannes. Mais Sandrine Bonner y voit autre chose. On a dit que Piala avait fait un bras d'honneur. Moi, je suis pas d'accord. C'était plus côté comme ça, on a gagné. C'est un peu comme les footballeurs. Par contre, j'ai pas du tout aimé la réaction des gens quand ils ont sifflé. J'ai l'impression qu'ils lui en veulent un petit peu, enfin, d'avoir. Parce que je trouve que ce film, ça lui ressemble et ça lui ressemble pas. Et j'ai l'impression que les gens n'aiment pas ça. Ils ont pas envie de le voir évoluer. Et moi, ça me gêne parce que je trouve que ça lui va bien et plus ça va, mieux il est. Et c'est vrai que sur ce film, il était en confiance avec lui-même. Et ça lui réussit de travailler comme ça. Au dîner de clôture, même le président de la République, par téléphone interposé, l'entend ruminer son amertume, alors que son film, tout de même, est le premier long-métrage français à recevoir la Palme d'Or depuis 20 ans. « J'ai la palme la plus merdique de l'histoire du cinéma, une palme au rabais, comme d'habitude », dira Maurice Piala. Ce n'est pourtant pas la conclusion qu'il livre au journaliste venu l'interroger. C'est presque étrange qu'on ait la palme pour un tas de raisons, mais la première étant qu'on a présenté ce film avec une grande maladresse. Il y avait là une sorte d'outrecuidance, de pédanterie qui ne m'est pas entièrement naturelle. J'ai dit ça fait 20 ans que j'en ai pris plein la gueule, ben, c'est pas normal, surtout qu'en plus c'est faux, parce que j'ai toujours une bonne critique. À votre avis, la Palme d'Or, elle est attribuée à quoi ? À la performance des acteurs ? Au texte qui est un texte fort ? À votre présence dans le film ? Un ensemble de choses. Je peux même peut-être vous souffler ce qu'on commencera à dire demain, que c'était une année où il n'y avait pas de très bons films et que justement il aura eu la Palme d'Or à cause de ça. Et savoir pourquoi un film a une palme, parce que ça faisait 20 ans que le cinéma français n'avait pas eu de palme. On peut en trouver des raisons, parce qu'effectivement il est bien interprété, parce que Bernanos est un grand auteur, mais moi j'ai même lu dans la presse un article de je ne sais plus qui, d'ailleurs assez, pas forcément le plus venimeux, qui disait que la mise en scène était nulle. Moi ça fait 15 ans que je fais des films, c'est la première fois que j'entends dire que je fais une mise en scène nulle, et ces mêmes critiques-là, en sens, s'ils écrivent dans les quotidiens, ils en sens journellement des navets. Il y a eu des sifflets, vous avez levé le point. C'était pas dirigé particulièrement contre ceux qui me sifflent, mais c'était simplement j'ai gagné, c'est tout. Pourquoi faut-il donc que Piala se comporte de cette façon ? L'homme est-il à ce point narcissique qu'aucune réticence, aucune critique n'est acceptable ? Ne serait-il après tout qu'un enfant gâté, un éternel insatisfait, un atrabilaire, un réalisateur qui malmène ses acteurs et ses équipes ? Ses rapports avec eux ont été abondamment commentés par les uns et par les autres. Les uns pour s'en plaindre et le considérer comme un tyran, les autres au contraire pour voir en lui un Pygmalion attentif. Ce qui m'a sauvé, je dirais, c'est que je ne savais pas qui était Piala. Et l'innocence, hein, parfois, arrange des coups formidables. Tout le monde me disait, mais c'est un grand monsieur, c'est un grand, grand metteur en scène, tu te rends pas compte. Et comme j'avais aucun repère, aucune notion, du coup, j'ai pu voir Piala comme quelqu'un de... pas tout à fait normal, parce qu'il l'était pas complètement, mais sans être admirative, sans que ce soit un poids pour moi. C'est quelqu'un qui parfois m'énervait, Mon lien avec Piala a été chahuté, mais jusqu'au bout, jusqu'à cette rose que j'ai déposée à l'arracher. Hein, ça résume vraiment toute mon histoire avec lui. Sur Sous le soleil de Satan, par exemple, je savais à présent qui était Piala. Oui. J'étais dans le milieu du cinéma, j'avais déjà des références, j'avais fait d'autres films parallèlement. Il m'en voulait aussi de plus être sa petite protégée. J'avais découché, comme il disait. Donc voilà, donc c'était plus dur. Ainsi parle Sandrine Bonner. Le cinéma est comme un cannibale qui mange ses enfants. En général, les films de Piala sont des récits plutôt autobiographiques. Mais celui-là, Sous le soleil de Satan, fruit de ses méditations, expose la réflexion d'un homme dans sa maturité et le reflet de son miroir intérieur. Il y a une phrase que j'ai toujours retenue, c'est celle de Montesquieu, la gravité, le bouclier des sceaux. Et vous avez raison, c'est vrai, on peut qualifier le soleil de Satan comme une œuvre grave, et ça prouve que on s'est beaucoup posé de questions avant de faire ce film. On l'a pas dit comme ça, allez hop, on va faire, surtout pas, c'est la mode des films à soutane, des films de curés religieux, allons-y. Surtout pas, au contraire, c'est une des choses qui pouvait nous arrêter et nous dire, est-ce qu'on va quand même faire ça? Au début, je sais que je disais, je vais tourner les soutanes, j'espère que ça se sent pas trop les soutanes dans le film. Enfin, c'est vrai que si on était méchant, on pourrait baptiser le film Les Soutanes. Il aurait peut-être fallu à réfléchir deux fois avant de faire une œuvre grave. Mais enfin, je dis pas que les gens n'aiment pas la gravité, même si c'est pas pris dans le sens de Montesquieu quand même. Mais il est vrai aussi, cher Maurice Piala, que le thème du soleil de Satan est déjà dans l'air. Depuis quelque temps, le cinéaste aborde frontalement les questions élémentaires du bien et du mal, de la foi. Déjà, il y a eu Thérèse d'Alain Cavalier. Dans son film, Piala entend représenter l'indécision des êtres à se connaître eux-mêmes, à reconnaître leur identité, leur nature et leurs aspirations profondes. Et il y a de plus dans le roman de Bernanos des propos qui résonnent si curieusement qu'il semble émaner de Piala lui-même, exprimer ses propres préoccupations, qu'il confie d'ailleurs à Jacques Chancel. Ce qui est difficile aussi, c'est de penser au rapport qu'il y a entre donc l'absence de foi et de croyance qui caractérisera notre époque, parce que ça c'est par contre incontestable. Il y a une évacuation de tout ce qui est même pas la foi. La mort est souvent ce qui fait, dans une période de déspiritualisation, ce qui a longtemps et sans doute encore fait réfléchir, et que ce soit bien sûr la mort de l'autre, la sienne, je crois pas qu'on puisse tellement en parler. La vérité de Piala, son destin cinématographique, tout tient dans les propos de Catherine Deneuve au moment où elle tentait de calmer le jeu lors de ce scandale mémorable au Festival de Cannes 87. Je voudrais vous demander d'écouter Maurice Piala, parce que moi j'ai toujours été très frappée par l'intelligence et l'amour du cinéma qu'il a. Même si son film est très controversé ce soir, je vous demande de le laisser parler. Et même si on n'est pas d'accord, laissez-lui une chance ce soir. Merci. Maurice Piala et son célèbre bras levé ou bras d'honneur aura donné au festival quelques couleurs. Au moment où le cinéaste invective la salle et lui fait ce geste, il y a un moment de vérité dans la salle du palais. Pour une fois, tout ce beau monde qui remplit les gradins pour cette cérémonie et qui sait si bien faire semblant d'être ému vit une vraie émotion. L'un d'eux, Piala, a osé braver le système et de surcroît sur des questions de fond, le cinéma. Peut-être vient-il s'ajouter à la longue cohorte de ceux qui, comme Buñuel ou Godard en leur temps, ont eu tort d'avoir raison trop tôt ou seul contre tous. Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Unwillingly and slow. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Maurice Pialat au Festival de Cannes 1987. Avec nous dans ce studio, Sylvie Pialat. Bonjour. Bonjour. Vous étiez l'épouse de Maurice. Le morceau qu'on vient d'entendre est extrait du film À nos amours. Ça, c'est engageant. À nos amours. Et vous avez connu Maurice Pialat pendant le tournage de À nos amours. Vous aviez 22 ans. Ben voilà, tout l'amour est réuni là dans, à la fois dans cette évocation et dans la musique que nous venons d'entendre. Je rappelle qu'Eva Bétan est également avec nous, critique de cinéma à France Inter. Je lui donnerai la parole dans quelques minutes. Alors, Sylvie Pialat, ce geste, c'est un bras d'honneur ou c'est un point levé ? Ah non, c'est un point levé, mais enfin ça c'est... Il n'y a qu'à regarder les images, hein, pour le coup, ouais. Ça ne peut pas... Sandrine, elle dit les footballeurs, mais non, c'est plus les Nord-Américains sur le podium en Allemagne. C'est ça, en fait. C'est le bras levé pour, ouais, pour la victoire. Bah oui. Bon. Alors pourquoi quand même pourquoi ces paroles? Parce que effectivement, on entend, il y a des applaudissements, il y a des huées, mais il y a aussi beaucoup d'applaudissements. Pourquoi lorsqu'il monte sur scène, il dit cette phrase, il prononce cette phrase, si vous ne m'aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus. Non mais l'histoire, elle est beaucoup plus longue en fait. Là, vous l'apprenez au moment où on est là. Mais en fait, on était partis de Cannes, nous. Et élargissons, allons-y, voilà. Profitons-en. Non mais c'est marrant parce que c'est vraiment pour le coup il y a plein de légendes de trucs mais celle-là elle est très enfin elle est... l'histoire elle est... la vraie histoire elle est drôle quoi. Eh ben allez-y, vous êtes là donc pour en ça. Fait alors comme il dit lui-même on sent quand il parle de la conférence de presse ça s'est très mal passé les projections de presse donc ça voilà il y a Claude nous on arrive à Cannes hyper content il y a Toscan Duplantier qui est le producteur du film il y a Claude Davy qui est l'attaché de presse on arrive ils sont au Majestic il y a un petit dîner organisé. Et en fait, Claude Davy n'est pas encore là. Il arrive de la projection de presse, donc qui est la veille de la projection officielle. Et il arrive, et là, on comprend que ça s'est pas bien passé. Alors que c'est vrai qu'a priori, avec un Pialat, tout ça, on arrive. C'est pas la presse le plus dur. Normalement, ça se passe plutôt bien. Donc ça s'est mal passé. Rapport au curé, à Bernanos, voilà. Enfin, c'était... Voilà. J'avais dit un sujet périlleux. De oui, toute façon, oui. Le sujet était périlleux. Oui, et alors pour rebondir sur tout ce que vous avez dit, donc c'est un film d'enfance en fait, de Pialat, parce qu'en fait, à 20 ans, il a eu un choc en lisant Le Seuil de Satan. Et voilà, et il le fait, il n'a pas eu tout 20 ans. Hein, donc c'est un... Si on veut encore remonter, c'est pourquoi on a tourné ce film. En fait, à chaque fois, le problème avec Maurice, c'était qu'il n'avait pas de scénario d'avance. Et donc à chaque fois, on cherche un peu quoi tourner. Parce que sinon, on tourne rien. Donc, et puis, Maurice, il aime bien qu'on soit déjà en train... Donc, quand je dis « on », c'est Toscan et moi, ou avant encore, les autres femmes et les producteurs. Enfin bon, que grosso modo, tout s'organise sans lui, puis qu'à un moment, il rejoint le projet. Si on... et que là, peut-être, il y a un film. Donc là, avec Daniel, on sait que... Daniel, c'est Toscan Duplantier. Maurice nous dit qu'il a envie de tourner un film personnel, qu'il a commencé à écrire... Il raconte un annuel qu'il écrit tous les jours. Moi, on a vécu 20 ans ensemble, 24 ans sur 24, donc je peux vous dire que quand il écrivait, j'étais un peu au courant, et qu'en l'occurrence, il écrivait rien du tout. Donc, au bout d'un moment, je dis à Daniel me fait alors, rupture, c'en est où? Alors, Maurice dit, ça avance, j'écris, tout ça. Bon, bref. Donc, avec Daniel, je dis, non, en fait, ça avance rien du tout, il n'y a rien. Et bon. Donc, on revient au Festival de Cannes, alors. Oui, quand même. Enfin, vous voulez que je revienne au Festival de Cannes. Bon, oui, enfin, bref, c'est pas grave. Et donc, bref, on tourne le ciel de Satan parce qu'il y a quand même le vendeur de chez la librairie Gallimard qui me dit, oh, il y a très longtemps, j'avais lu que Piala voulait faire le ciel de Satan. Je dis, ah bon, il me dit, voilà, je l'achète en poche. Je rentre à la maison, je dis, Maurice, que le mec de Gallimard m'a dit, hein, il m'a dit, oh là là, cette vieillerie, tout ça. Bon, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Donc, Maurice dit, j'annule la conférence de presse. Devant la nouvelle que ça s'était mal passé. Alors bon, donc on passe la soirée à lui dire qu'il faut quand même y aller. On va à la conférence de presse, ça se passe plus ou moins plutôt pas mal en fait. Et la projection le soir se passe très très bien. C'est-à-dire que voilà, il y a une espèce de, oui, il y a quelque chose vraiment. Le film est très très bien accueilli par le public, on va dire, public de Cannes, hein, qui est un public très particulier, plutôt professionnel. Mais malgré tout ça, les critiques sortent. C'est vrai que globalement, elles sont bonnes, mais il y a quand même des critiques assez costauds, pas très bonnes. Et donc, on décide de partir. Et on va. Il avait un oncle à Bandol. Et donc, on part en voiture chez l'oncle, mais on quitte Cannes. Mmh. Et on décide après, de Bandol, de prendre pour la première fois de notre vie, le TGV, qui était donc une invention assez récente, entre Marseille et Paris. Il ne mettait pas 3 heures à l'époque, hein, mais il mettait 5 heures. Quoi. Donc, c'était déjà pas mal. Donc on s'organise tout ça, et donc on reste 3-4 jours à Bandol. Il n'y a pas de téléphone portable, il faut savoir, il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas tout ça, évidemment, 87. Et donc, le dernier jour où on reste à l'hôtel à Bandol, j'entends, c'était donc le jour du palmarès, j'entends à la radio, sur France Inter, c'est pas une blague, c'est vraiment sur France Inter, pendant que Maurice prend sa douche, j'entends, bon alors les pronostics, et reviens, on reparle du soleil de Satan. Bon, très bien. Donc je dis rien, je tiens à ma vie tranquille, donc je ne dis rien à Maurice, mais par contre, je laisse à l'hôtel le téléphone du restaurant chez Michel où on allait manger une bouillabaisse à Marseille, avant de prendre le train, au cas où. Et on est à combien de temps on déjeune à 13h, hein, le palmarès est à 19h, hein, comme le jour même, d'accord. 20h, oui, c'est le jour même. Oui. Mmh. Et donc, voilà, pendant tout le déjeuner chez Michel, je guette le putain de téléphone du restaurant, savoir s'il sonne, s'il sonne pas. Voilà. Et comme c'est un restaurant, le téléphone sonne souvent. Parce qu'en fait, c'est les réservations. Mais qu'est-ce que vous attendez comme coup de fil ? J'attends que Claude Davy appelle pour dire qu'on a un truc, puisque j'ai entendu sur France Inter que peut-être, que finalement, le soleil de Satan revenait, alors qu'on était complètement aux fraises. Qu'on a un truc, on sait pas ce que c'est, mais on a un truc. Donc on y va. Ah non, comment ça, il faut d'abord le coup de fil. Comment ça se passe? Eh ben, ça se passe que finalement le téléphone sonne dans le restaurant de chez Michel Labouillabesse, là. Et que le type cherche dans la salle et que moi je fais un espèce de truc comme ça, que moi il se demande ce qui est en train de se passer. Et que le type. Les trucs comme ça, c'est un truc quelque chose qu'on a à la radio, on voit pas, hein, donc je. Ah oui, pardon. Je lève la main, voilà. Et il me dit, madame Piala, je dis oui. Il me dit, cabine. Parce qu'à l'époque, il y avait des cabines pour le téléphone dans les restos. Donc je vais prendre. Et là, il y a Claude Davy hystérique. Quand elle me dit, oui, mais vous êtes où? Je dis, on est à Marseille. Il faut revenir tout de suite parce qu'il y a un truc, etc. Je dis, écoute, oui, mais quoi? Alors il me dit, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'on sait pas. Vous savez pas, ce que vous avez compris. Il y a un truc, on sait pas. Mais c'est encore vrai aujourd'hui, je pense. On sait pas, pardon. Je vois que le chronomètre tourne. Oui, parce que, ça passe, il faut qu'on arrive à la soirée. Mais l'histoire est longue. Je suis désolé. Donc bref, je convainc Maurice qu'il ne veut pas y retourner parce qu'il veut être sûr de savoir ce qu'il a. Que le prix d'interprétation de Depardieu, ça l'intéresse pas. Donc, il demande si Depardieu, on a demandé à Depardieu de revenir. On a dit oui. Depardieu a demandé de revenir. Enfin, bref. On part quand même. On part. Donc, en voiture. Mmh. Donc, c'est assez long, en fait, Marseille-Cannes. Hein. Mmh. Donc, on bombarde un peu. Et je me souviendrai toujours parce que c'était très drôle. Une phrase que Piala, donc, plus rigolote encore que ce qu'il a sorti. On arrive, tout est bloqué, la croisette. Nous, faut qu'on aille au Majestic, mais faut faire tout le tour parce que les voitures peuvent pas passer. Et Maurice dit au gendarme qui était là, je viens chercher la Palme d'Or. Voilà. Et donc, on passe, et on se retrouve à s'habiller à toute berzingue et à monter le truc. On sait toujours pas, on serre la poigne à Gilles Jacob. Gérard est là, hyper mal, parce qu'il sait que si c'est lui qui a pris l'interprétation, il a passé une mauvaise soirée, et qu'il est mal, quoi. Donc, on attend. Devant nous, il y a le film que tout le monde voulait qu'il ait la Palme d'Or, c'est-à-dire Les Yeux Noirs. Donc, il y a Mastroianni, Michael Koff, là, devant, et nous, on est derrière. Et évidemment, quoi. Comme l'avant-dernier s'est pris une interprétation masculine et que le dernier c'est la Palme d'Or, quand on entend Mastroianni, on a compris que voilà. Bon, alors, donc il l'a. Il l'a. Alors, ouais. il est quand même content au moment où il l'a. Il est juste à côté de vous. Bah, vous ouais, quelque chose. Bah ouais, mais c'est pas rien quand même. Hein. Non, rien, mais je pense qu'il est super content. Après, comme on lui avait reproché il s'était reproché à lui-même que quand il a eu le César pour À nos amours, il avait sauté comme un zébulon sur la scène avant même qu'on ait fini de prononcer son nom, alors qu'il veut être quelqu'un qui est très calme et qui n'est pas hystérique sur ce genre de truc. Je pense qu'il a fait exprès d'y aller très lentement, rapport à ce jour-là. D'accord. Donc il y va très lentement, puis après, je pense qu'il pense à ce qu'il va dire. Et... Non, ça se passe pas bien. C'est parce que les sifflets étaient. On entendait vachement les sifflets quand même dans ouais. la salle. Les applaudissements, oui, il y en a, mais c'était pas le délire non plus. Et puis Montand avait une tête tellement catastrophée. On avait tellement l'impression qu'il voulait pas que ce soit le film. Que je veux dire, c'était un film français avec un président français, donc ça l'a foutait super mal. Non, je pense que tout ça, ça monte. Voilà. Alors. Une question, réponse un peu plus courte, mais c'était très non, mais c'était intéressant, court, franchement. Hein. Mais voilà, après, 16 heures va arriver, on va se dire, oh là, c'est déjà fini. Donc, est-ce qu'il a regretté ce qu'il a dit quand il est redescendu? Pas du tout. Quand je sais pas, dans la voiture, quand vous êtes reparti, vous avez parlé de ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'était quoi sa phrase? Il a dit, j'ai bien fait, tant mieux, tant pis pour eux. Non, mais il a pas parlé de ce qu'il avait dit. Oh, vous avez parlé tous les deux quand même. Non, mais pas tout de suite après. Vous avez parlé de la pluie de beau temps après. Non, mais tout de suite après, c'est pas ça qui s'est passé. On a enchaîné avec William Lémergie, c'était encore une autre histoire, hein, parce que ça a duré toute la soirée, quand même. Ah, bah, ça va être trop long, alors je vous. Ouais, non, mais c'est pour ça. D'accord. Bon, Sylvie Piala. On va regretter jamais, hein. Penser très longtemps à l'avance, jamais. Ouais. Je pense que c'est un génie du marketing sur cette phrase, puisque pour mon fils, c'est génial qu'il peut revoir son père, je pense, pendant des dizaines d'années, avec la phrase, parce que, voilà, c'est un moment. Bon, alors on va écouter une petite archive, hein, courte mais forte. C'est Maurice Piala qui répond à Serge Toubiana sur les rapports qu'il entretient avec le milieu du cinéma. Enfin, on va dire avec le cinéma, c'est pas un milieu, avec le cinéma. J'aime pas le cinéma. C'est-à-dire, et pour être exact, j'aime pas les gens qui font du cinéma. Les seuls moments de ma vie où je suis fatigué, c'est quand je suis avec une équipe, même debout, rien faire. Mais il y a ils fatiguent. Il y a un moment du parce cinéma. Parce qu'on n'a rien à voir ensemble. Moi, je ne leur veux pas de mal s'ils faisaient autre chose, mais on n'a rien à voir ensemble. Donc, c'est quand même un mauvais moment à passer, le tournage? Ah oui. Alors, il y a des moments où, heureusement, ça s'oublie. Mais en général, c'est toujours un mauvais moment à passer. Mais il y a un moment où c'est plus agréable, l'écriture ou le montage? Ah, l'écriture, jamais. Non. Ça alors, pèse. Qu'est-ce qui reste? Le montage, alors? L'ensemble. Il y a des moments pas privilégiés. Ils sont, on peut dire, de heureux. Bon, je suis cinéaste, je tourne. C'est un mauvais moment à passer. Je sais pas, c'est comme si Eva Béton disait, non, quand je fais une critique de cinéma, c'est un mauvais moment à passer. Ou moi, à faire sensible, c'est une mauvaise heure à passer. C'est quoi, ça? C'est de la provocation. Sylvie, et après Eva. Non, je crois pas. Je crois que au moment où il répond à Serge Toubiana, et voilà, il répond ça. C'est l'humeur du moment aussi. Moi, j'ai jamais vu Maurice, à part peut-être après des moments d'intimité avec son fils. Donc c'est pour ça que je peux en parler tranquillement à la naissance d'Antoine. Mais j'ai jamais vu aussi heureux que sur un plateau. Hein. Ah, quand même, rassuré. Eva Béton, vous l'avez côtoyé, oui. Vous l'avez connu, vous l'avez interviewé, Maurice Piala, pas plus que ça ou... Non, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Ah. Et ça a été une rencontre brève. Alors vous savez, j'ai autant de mémoire que vous, sinon plus sur votre propre vie professionnelle. C'était le 2 septembre 1987, ça vous dit quelque chose? Je n'avais pas couvert le Festival de Cannes. Je venais d'arriver au service culture de France Inter. Et je vois le film, et on en parlera plus tard, au moment où il sort en salle. Toutes les polémiques s'effacent. C'est une merveille, c'est juste une merveille. Parce qu'il faut voir les films à Cannes, il faut les revoir après. Et vous les voyez débarrassés de tout le reste, et il y a l'objet pur, et c'est un diamant pur. Et donc, vous avez peut-être l'archive, on va écouter, puis je vous raconterai après. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, Maurice Piala, dans ce personnage de Denis Sand? Moi, je vous pose une question, vous l'avez aimé ou pas? Oui, j'ai énormément aimé ce film. Vous avez aimé Thérèse? Oui. Bon, eh bien, vous le garderez dans l'émission de demain. Par la réponse que vous venez de me donner, j'arrête l'interview. Parce que moi, je ne peux pas parler à quelqu'un qui a aimé Thérèse. C'est formidable. Alors là, l'archive est courte, mais je vous raconte la suite. Donc Quand il vous dit ça, quand même, vous êtes journaliste, plutôt jeune journaliste à l'époque. Oui, on est plus impressionnable qu'après. Là, vous êtes impressionné. C'est plutôt d'être humain à être humain. Vous arrêtez, j'arrête, et je tourne immédiatement le bouton. C'était à l'époque les gros nagras qui pèsent 12 kilos. Ils étaient lourds comme un cheval mort, je me souviens. D'accord. Parce que quand il me dit, vous l'entendez, vous avez aimé Thérèse, ou c'est Thérèse d'Alain Cavalier qui est sortie l'année d'avant, je le rappelle. Je dis oui, mais c'est un oui, j'ai aimé, mais oui, mais pourquoi vous me posez la question? Il y a tout dans ce oui. Et donc, je le prends au mot, je lui dis d'accord, mais sans agressivité, vous avez, son ton est aimable. Quand il me dit ça, j'éteins. D'accord, on se lève, on va voir Monsieur Piala. Puis c'est, ça se passait dans une fête que donnait, si j'ai pas de mémoire, Libé pour le film. C'était Claude Davy qui était là. Cette fois, beaucoup plus, c'était un grand monsieur Claude Davy, c'était quelqu'un de fort, d'exceptionnel. Et Claude m'avait dit, écoutez, on vous arrangera un entretien dans un bureau, c'est ce qui s'était passé. Et donc je reste un peu à la fête, et puis au moment de partir, je passe devant Maurice Piala, je fais un signe de la, je dis au revoir. Il se lève et il me fait la bise. Et il est aussi timide que moi. Et je suppose que si je lui avais dit à ce moment-là, mais je trouvais que c'était obscène de dire, voulez-vous qu'on reprenne l'interview, parce que j'aurais eu l'air de profiter de son élégance à ce moment-là pour le truc. Donc je ne le dis pas, il ne dit pas non plus, et ça se finit comme ça. Et je trouve que c'était un très joli moment. Alors, sous le soleil de ça... Et pardon, oui. Je voudrais juste dire que j'avais dit à l'antenne, il a peut-être le caractère qu'il a, vous n'êtes pas obligé de l'épouser, mais son film est magnifique. Et donc, je n'ai pas obligé de l'épouser. Moi, j'étais obligé de l'épouser, c'est ça le problème. J'allais vous le dire aussi. Bon, alors, quand on parle d'un cinéaste, et quand on parle de son œuvre, il faut parler de son œuvre, bien sûr, c'est quand même ça le plus important. Vous disiez, Eva, sous le soleil de Satan, pour vous, c'est un diamant. Oui. Pourquoi qu'est-ce qui vous a touché? C'est tous les films de Piala. C'est comme enfin, c'est très difficile d'en parler devant Sylvie Piala, mais c'est comme si il vous révélait des choses, même de vous-même, que vous ignorez. C'est pas de la psychologie, c'est pas de la sociologie, et pourtant tout est là. Et c'est comme s'il arrachait des bouts de vie. Je me souviens que quand Van Gogh est présenté à Cannes, la projection est à 8h30 le matin. Et je me souviens que j'étais allée me cacher sur la plage parce que je voulais pas qu'on me voie pleurer, mais pendant une demi-heure. C'est magnifique. Dans Van Gogh, par exemple, de Piala, Van Gogh meurt. Et tout de suite après, la caméra est sur, je crois, sur l'hôtelière qui s'est foulée la cheville. Et vous avez la mort et la vie en même temps. Et dans Le Garçu, c'est pareil. Il y a le cercueil, mais le cercueil bouge un peu. Et vous avez peur que le cercueil tombe sur le pied. Je crois que c'est Depardieu qui est à côté. Donc, moi, il n'y a rien de plus éloigné que moi, que Bernanos, la foi, l'inquiétude, Satan qu'il pense avoir rencontré en voyant un maquignon. A priori, pardonnez-moi cette vulgarité, ça me tombe sur les pieds. Donc pour que le film puisse me plaire, il faut qu'il ait arraché à un sujet qui a priori n'est pas ce qui me donnera envie d'entrer dans un cinéma. Mais il y a la manière dont il filme le visage du truc. Il y a par exemple le moment où ça pourrait être le miracle, mais il filme le miracle. Nous on pense plutôt qu'il a cru qu'il y avait un miracle et qu'il n'y en avait pas. Mais vous serez toujours dans l'incertitude. Donc voilà comment avec une soutane il arrache la vie. Et c'est ça qui est magique. Il dit un film de soutane, oui, mais que la soutane, eh bien, quand il porte la jeune fille, Mouchette, elle s'appelle, c'est ça, dans les bras, c'est un moment extraordinaire. Sylvie Piala, c'est quoi ces sources d'inspiration principales? Vous avez parlé, oui, à Maurice. Mais... Bon, je pense comme beaucoup d'artistes, lui, pour le coup, son enfance, quoi. C'est... Maurice est resté enfant, mais il est resté bloqué à tous les niveaux. Et tout se passe entre sa naissance et 14 ans. Et c'est après les grandes souffrances. La grande souffrance d'un abandon qui, a priori, il n'est pas de la DAS ni rien. Mais quand vous voyez l'enfance, vous avez l'impression que c'est à lui que c'est arrivé. Mais parce que c'est comme ça qu'il a vécu son enfance à lui. Et... Donc on peut dire que son œuvre est essentiellement autobiographique, elle est inspirée. Non, parce que je pense que Maurice est quelqu'un qui a beaucoup aidé par ses films les gens à vivre, parce qu'en fait il s'intéresse aux gens, quoi. Alors vous savez, votre enfance et celle des autres, il y a un moment tout se rejoint quand il fait passe ton bac d'abord, par exemple. Moi je rencontre encore beaucoup de gens qui maintenant, pardon, c'est ma montre, beaucoup de gens qui adolescents sont tombés sur le cul. Pardon d'être vulgaire, Eva, aussi, de voir qu'ils intéressaient quelqu'un. C'est-à-dire, en l'occurrence un cinéaste, et qu'ils les portaient à l'écran, et qu'ils pouvaient, et que c'était eux. Mais aider à vivre vraiment, c'est-à-dire à des moments de sa vie où on se demande même pourquoi on vit, quoi. Et je pense que, voilà, l'artiste en général, l'écrivain, le cinéaste, il aide à vivre. Voilà. Alors que c'est pas du cinéma qui est fait pour consoler, du cinéma qui vous caresse. C'est dépatouillez-vous, c'est comme ça, mais voilà. Mais cette dureté-là, mais cette manière, vous dites, mais c'est pas possible, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il approche ça de si près? Ben ça aide à vivre. Il y a besoin d'être doux pour aider à vivre. Il y a une âpreté peut aider à vivre. Il y a jamais, c'est le contraire de la joliesse. Et pourtant, c'est beau. Mais et comme Dolan, n'a rien à voir, rien. Et en même temps, beaucoup. Vous montre des choses et ça vous parle, ça vous traverse, ça vous dévaste. Et en même temps, c'est généreux et joyeux. Ça rend pas forcément triste non plus. Mesdames, en 1987, on écoutait, entre autres, Suzanne Vega, Tom's Dinner. Tu with a man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I looking inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral, I am thinking of your voice. Sensible sur France Inter aujourd'hui, Maurice Pialat et Eva Bettan. Oui. Alors, on a parlé beaucoup de l'homme, son côté, un caractère un peu difficile, rugueux. Bon, il y a d'abord une œuvre, avant tout une œuvre, et le caractère ne doit pas effacer l'œuvre. Non, mais avec le recul du temps, il est à sa juste place d'un cinéaste majeur. Il n'a jamais voulu faire école, et pourtant, chaque fois qu'on voit un jeune cinéaste qui apparaît, où il y a une manière d'essayer de capter la vérité, on dit, ah, il n'aurait pas quelque chose de Pialat. Non, déjà, quand il y avait cette légende basée sur une part de vérité, hein, sur son caractère, il y avait en même temps un paradoxe qui est son œuvre est une œuvre profondément humaine. C'est-à-dire que pour arriver à approcher la vérité des gens comme ça, ce n'est pas une œuvre de misanthrope, ce n'est pas une œuvre de quelqu'un qui déteste les humains, c'est une œuvre de quelqu'un qui n'a pas d'illusion sur la finalité des hommes, mais qui aime les hommes dans leur souffrance comme ils sont dans la glaise et dans la boue dans laquelle ils sont. Donc il y a une grande beauté des gens quand ils les filment. Et c'est ça ce paradoxe. Parce que vous pouvez avoir des gens qui ont un caractère et qui font une sorte d'œuvre d'amertume. Ce n'est pas une œuvre d'amertume. Il y a une beauté des gens qu'ils filment. Et c'est ce paradoxe qui est très beau. Sylvie Pialat, on a beaucoup insisté sur, à juste titre, j'imagine, sur l'importance que prenait la peinture dans sa vie. C'était quoi? C'était Maurice Pialat, c'était un peintre qui faisait du cinéma? Bon, non. C'est une provocation. Voilà. Non. Mais en fait, non, il a arrêté la peinture, comme vous avez dit, brutalement. Mmh. Parce que c'est pas qu'il a fait c'est vraiment des petits boulots de... pour survivre. Il a fait des boulots qui lui ont pris toute sa vie, alors qu'il pensait qu'il allait pouvoir peindre aussi. Et en fait, Visiteur médical, ça a duré 8 ans, et Olivetti, ça a duré 3-4 ans. Donc en fait, il s'est arrêté. Donc, il le disait même lui-même, c'était un peintre, il a été un peintre débutant, il n'a jamais été un peintre raté, mais parce que ça s'est arrêté. Et il n'a jamais repris. Mais la peinture, c'est ce qu'il mettait le plus haut, voilà. Il peignait pas pendant ses temps libres quand il était cinéaste, pas chez vous. Là, il serait là, mais alors là, je crois qu'il partirait comme il avait dit. Écoutez, je quitte le studio parce que ça n'existe pas de peindre dans son temps libre quand on a voulu être peintre. Voilà, il voulait être peintre et puis il y a eu, comme il disait, je peux pas reprendre la tête. Elle a fait énormément de chemin et la main, elle est restée bloquée aux débutants. Bon. Donc voilà. D'accord. Alors s'il avait été là, il m'aurait envoyé sur les roses. Mais si, bah, ça aurait été une expérience, après tout. Hein, Eva, quelqu'un qui aimait un film de cavalier, Thérèse, peut pas. Bon, bref. Et pour moi, ça devait être un très joli moment. Son sourire doux, au moment de dire au revoir, était très bien. Bon, bah, c'est fini. Mesdames, merci. En tout cas, merci Sylvie Pella. Merci. Merci Eva Bettan, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.